Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Ensuite il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit, une vieille femme stérile. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ils dirent, ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Alors Abraham dit, quelle est donc votre mission, ô envoyé? قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ils dirent, nous avons été envoyés vers des gens criminels. لنرسل عليهم حجارة من طين. Pour lancer sur eux des pierres de glaise. مسومة عند ربك للمسرفين. Marqué auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Il y a même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes, avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna confiant en sa puissance et dit, c'est un magicien ou un possédé. Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis le jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. N'épargnons rien sur son passage sans le réduire en poussière. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. De même pour les Tamoud, quand il leur fut dit, jouissez jusqu'à un certain temps. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Ils défièrent le commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu'ils regardaient. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Ils ne purent ni se mettre debout ni être secourus. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.